Chapitre 1er. Les intersignes. Le mot intersigne se rend en breton de diverses manières suivant les régions. Les désignations les plus fréquentes sont celles de « séblanchou », semblant, de « signaliou », signes avertisseurs, de « traouspon », chose d'épouvante. Sur les intersignes, voir sauver, tradition populaire de la Basse-Bretagne, intersignes et présages de mort. Revue Celtique, tome 6, du Philol, Guillaume Vard, deuxième édition, énumère quelques intersignes. Sur les intersignes en Pays Vannetais, voir le Rouzic Carnac, le Diberder, Annales de Bretagne. On trouvera des histoires d'intersignes en Galles, dans East Ancienned. Les intersignes annoncent la mort. Mais la personne à qui se manifeste l'intersigne est rarement celle que la mort menace. Si l'intersigne est aperçu le matin, c'est que l'événement annoncé doit se produire à bref délai, 8 jours au plus. Si c'est le soir, l'échéance est plus lointaine. Elle peut être d'une année et même davantage. Personne ne meurt sans que quelqu'un de ses proches, de ses amis ou de ses voisins n'en ait été prévenu par un intersigne. Les intersignes sont comme l'ombre, projetée en avant de ce qui doit arriver. Si nous étions moins préoccupés de ce que nous faisons ou de ce qui se fait autour de nous en ce monde, nous serions au courant de presque tout ce qui se passe dans l'autre. Les personnes qui nient les intersignes en ont autant que celles qui en ont le plus. Elles les nient uniquement parce qu'elles ne savent ni les voir ni les entendre. Peut-être aussi parce qu'elles les craignent et qu'elles ne veulent rien entendre ni rien voir de l'autre vie. Certaines gens ont plus que d'autres le don de voir. Dans mon jeune temps, on se montrait du doigt, non sans une secrète épouvante, les personnes qui étaient douées de ce pouvoir mystérieux. « Enes, Enes, Arpoir, disait-on, celui-là a le pouvoir. » Dans cette catégorie privilégiée, il faut ranger en première ligne ceux qui ont passé en terre bénite et en sont sortis avant d'avoir été baptisés. Sauver l'enfance et les enfants, Mélusine. Le Carguet, superstitions et légendes du Cap Sizun, revue des traditions populaires. En Irlande, on dit que les personnes nées la nuit ont pouvoir sur les fantômes et peuvent voir les esprits des morts. Lady Wilde, Ancient Legends. Voici le cas. Un enfant vient de naître. Le recteur que l'on est allé trouver a fixé l'heure du baptême. Mais vous savez comme les gens de la campagne sont peu exacts. Père et matrone, parrain et marraine flânent en chemin, s'attardent aux auberges s'il y en a sur la route, n'arrivent au bourg que longtemps après l'heure convenue. Le prêtre s'est lassé de les attendre vainement ou a été appelé par quelque autre devoir de son ministère. Nos gens se rendent au porche, trouvent l'église déserte. À leur tour de s'y morfondre, il n'y fait pas chaud. L'enfant crie, la matrone, la Groach an Hollen, la vieille au sel, déclare que si l'on reste là, le nouveau-né risque d'attraper sa mort. On gagne quelque endroit mieux abrité, l'auberge la plus voisine. On y patiente en vidant chopine jusqu'au retour du prêtre. L'enfant a passé au cimetière, aux terres bénites, et en est sorti sans avoir été fait chrétien. Il aura le don de voir. L'aventure se produit souvent. De là vient que tant de Bretons ont la faculté de voir ce qui reste invisible aux yeux de la plupart des hommes. Communiqué par René Alain, garçon de bureau aux archives départementales, ancien chantre à Pinhard, Quimper. Ont encore le don de voir ceux qui possèdent le trèfle à quatre feuilles, l'épi à sept têtes ou le grain qui a passé dans la meule sans être moulu et au four sans être cuit. En Irlande, la possession du trèfle à quatre feuilles donne la science. Dans un conte, un paysan qui tenait une brassée d'herbe où se trouvait un trèfle à quatre feuilles comprend aussitôt la conversation de deux chiens dont les aboiements se répondaient. Il laisse tomber la brassée et la conversation devient un bruit incompréhensible. D'Autun, Contes et légendes d'Irlande. Kennedy, Legendary Fiction of the Irish Celts. Quand deux personnes voyagent de conserve, dont l'une a le don de voir les intersignes ou les revenants, il suffit que celle-ci mette sa main dans la main ou son pied sur le pied de l'autre pour lui communiquer la faculté qu'elle possède. Pierre Le Goff, Argol. Si l'on veut voir à la lueur du jour les trépassés, il faut monter et se tenir sur les pieds de quelqu'un. C'est une croyance de l'île de Man rapportée par Rhys, Celtic Folklore. Dans une tradition galloise, un fermier est abordé une nuit par un étranger qui lui dit de mettre son pied sur le sien. Il aperçoit alors une maison de fées située juste au-dessous de sa demeure. Rhys. En Irlande, il y a une autre pratique pour voir les trépassés. Si l'on prend un os d'épaule de mouton, bien débarrassé de toute viande, et que pendant la nuit on regarde par-dessus, à la troisième fois on voit tous les gens de connaissance qui sont morts. Curtain Tales of Fairies. Dans les hautes terres d'Écosse, d'après les particularités de cet os, des spécialistes peuvent prédire la mort ou la vie. G.G. Campbell, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland. Entendre des chutes d'objets, écuelles, assiettes ou verres qui se cassent en tombant, signe de mort pour un parent ou pour un ami en voyage. Un tableau ou une glace qui tombe de la muraille est un intersigne de mort. Walter Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland. Les menuisiers qui fabriquent les cercueils savent d'avance si quelqu'un de la région doit mourir dans la journée ou dans la nuit. Ils en sont prévenus par le bruit des planches qui s'entrechoquent d'elles-mêmes dans le grenier. Qui voit une belette, Eur Garelic, doit mourir dans l'année. Dicton du Cap Sizun. J'en mentionne l'origine parce que nulle part ailleurs en Basse-Bretagne je n'ai retrouvé semblable croyance. Mais la belette joue un grand rôle dans les contes merveilleux de l'Irlande. Voir par exemple The Hide Beside the Fire. G. Dautin, Contes irlandais. Quand la pie vient se poser sur le toit, c'est que quelqu'un doit mourir dans la maison. Dans le Morbihan, trois pies sautant ensemble sur une route présagent la venue d'un enterrement. François Marker, Traditions et superstitions du Morbihan, revue des traditions populaires. En Irlande, une pie qui frappe à la fenêtre annonce qu'il y aura une mort dans la maison. G. H. Keenan, Notes on Irish Folklore. Il en est de même d'une pie qui vient jacasser à la porte. Lady Wilde, Ancient Legends. Si l'orfraie passe dans la rue ou dans un village, elle emportera son mort, le rousic Carnac. Le corbeau est souvent aussi en Bretagne un intersigne de mort. Il croit que deux corbeaux président à chaque maison et qu'ils y prédisent la vie et la mort. District de Quimper. Cambry voyage dans le Finistère. Des corbeaux planant sur une maison sont un présage de mort. Verus Mort voyage en Basse-Bretagne. Sauvé, revue celtique. En Galles, un corbeau croissant au-dessus d'une maison y annonce la mort. E. Owen, Welsh Folklore. Dans les Hébrides, avant la mort d'un enfant, on voit souvent des moineaux chaque jour pendant une quinzaine venir à la porte de la maison. Goodrich Freer, More Folklore from the Hebrides. En Irlande, quand en se rendant à une réunion, on entend à gauche le croassement d'un corbeau, c'est qu'un des membres de l'assemblée sera tué. The Folklore Journal. Un vol de corneille au-dessus d'une maison ou d'une personne est un intersigne de mort. Lady Wilde, Ancient Legends. Quand un coq vient chanter tout auprès de vous, c'est que votre dernière heure est proche. Quand une poule, après s'être empêtrée dans de la paille, en a gardé un brin attaché à sa queue, c'est signe de deuil pour les gens de la maison. Si le coq chante dans l'après-midi, c'est pour annoncer grande joie ou grand deuil. S'il chante la nuit avant minuit, c'est signe de grand malheur, d'accident ou de mort. En Irlande, quand un coq chante trois fois la nuit ou à une heure insolite, c'est signe de mort. Dinnay, Peasant Love from Gaelic Ireland. Il en est de même d'une poule qui chante comme un coq à n'importe quel moment. Dinnay. On trouve la même croyance dans le nord-est de l'Écosse, Folklore Journal, en Bretagne, le Rousic Carnac, et en Galles, Kimrufu, Owen, Welsh Folklore. Tierney, Hermin, rapporte que l'intersigne est plus sûr encore quand le coq, en chantant le soir, porte les yeux sur le cimetière. En Leitrim, il est recommandé de tuer la poule qui chante comme un coq, Folklore. Dans les Hébrides, même rêver qu'un coq chante dans l'obscurité est un intersigne de mort. Goodrich Freer. More Folklore from the Hebrid. L'oiseau de la mort, Ars Parfell, voltige autour de la maison et frappe à la vitre quand vient la mort. Owen, Welsh Folklore, où l'oiseau est le chat-huant. Quand des oiseaux noirs voltigent autour des navires des terres nevasses, c'est signe qu'un matelot mourra. C'est bio, revue des traditions populaires. Au moment où une personne trépasse, un oiseau entre dans la maison et attend la mort pour emporter l'âme. Courtney, The Folklore Journal. À Kilcurry, on croit qu'au moment d'une mort, un pigeon entre à la maison et qu'on entend un léger coup à la fenêtre. Folklore. En Galles, c'est un signe de mort si de petits oiseaux entrent dans la maison et voltigent autour des chambres. Tierney, Hermin. Lorsque les chiens hurlent la nuit, c'est que la mort essaye de s'approcher de la maison. Les hurlements d'un chien leur annoncent la mort. Cambry, voyage dans le Finistère. Marker, traditions et superstitions du Morbihan, revue des traditions populaires. Mahé, essai sur les antiquités du Morbihan. On trouve la même croyance au pays de Galles. Kimrufu, Tierney, Hermin, Owen, Welsh Folklore. En Irlande, le hurlement d'un chien tourné vers le nord présage la mort d'un homme ou d'une femme de la famille. Si le chien a le museau en l'air, c'est un chef qui mourra. Texte irlandais du XVIIIe siècle dans Mélusine. La même croyance est rapportée par Dinet. Pisancore from Gaelic Ireland, mais l'intersigne est moins précis. Un chien qui se plaint autour d'une maison est un signe de mort. Dans les Hébrides, quand un chien, sans raison suffisante, hurle en plein jour, c'est qu'il aperçoit un enterrement de fantôme. Goodrich Freer, More Folklore from the Hebrid. Si, pendant le mariage à l'église, vient à s'éteindre le cierge placé devant l'un des deux époux, c'est que celui-ci ne tardera pas à être veuf. Dufilol, Guionvar. Dans le pays de Paimpol, les femmes de marins qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur mari se rendent en pèlerinage à Saint-Loup-le-Petit, Saint-Loup-Arbian, dans la commune de Lanloup, entre Plouézec et Ploua. Elles allument au pied du saint un cierge dont elles se sont munies. Si le mari se porte bien, le cierge brûle joyeusement. Si le mari est mort, le cierge, lui, d'une flamme triste, intermittente, et tout à coup s'éteint. Quand la chandelle de résine s'éteint à plusieurs reprises, c'est un intersigne de mort. Le Calvez, la mort en Basse-Bretagne, revue des traditions populaires. Lorsqu'il se forme en côté de la chandelle de résine une colonne qui reste sans se consumer, c'est un intersigne de mort. Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland. Si l'on se réveille le matin avec des taches couleur jaune cire sur les mains, il faut s'attendre à voir sous peu les cierges funèbres dans la maison. Lorsqu'on sent odeur de cierge dans une maison, c'est signe que l'on enterrera sous peu l'un de ses hôtes. Il ne faut jamais laisser brûler trois chandelles à la fois dans une même pièce, sinon c'est signe que l'on aura bientôt à allumer les trois chandelles de la mort. Allusion aux trois chandelles qu'on allume dans les veillées funèbres, l'une au chevet du défunt, l'autre sur la table, la troisième dans le foyer. Marie-Jeanne Fish, Rosporden. En Irlande, on met autour du cercueil cinq chandelles, dont une ne doit pas être allumée. Haddon, A Badge of Irish Folklore. Dicton. Ter Goulawen Barzanti, Zezin Prondeur Marocri. Trois lumières dans la maison annoncent à bref délai une mort douloureuse. Quand le timbre de l'horloge se met à sonner en même temps que la clochette qu'agite l'enfant de cœur au moment de l'élévation, c'est signe de mort pour l'une quelconque des personnes qui assistent à la messe. si le son de la cloche vibre longtemps après que la cloche a fini de sonner, c'est que la mort est suspendue sur quelqu'un de la paroisse. Le Rosic Carnac. Quand on voit en rêve une personne portant un fait de linge sale, c'est signe qu'on doit perdre à bref délai un de ses proches. En Écosse, la vision d'une personne enveloppée d'un suaire est un intersigne de mort. The Gentleman's Magazine Library, Popular Superstition. Rêver d'un mort est signe qu'il reviendra. J. Anderson, Survival in Belief Among the Celts. Si le linge est blanc par endroits, c'est signe que cette mort ne nous causera que peu ou point de chagrin. Si on rêve à de l'eau douce ou salée, c'est que l'un des siens est malade. Si l'eau est claire, il est sauvé. Si elle est trouble, sa mort est prochaine. Le Calvez, médecine superstitieuse, revue des traditions populaires. Rêver de chevaux, signe de mort, à moins que les chevaux ne soient blancs. Souvent, c'est le malade lui-même, ou comme on dit, son expérience, qui se fait l'annonciateur de sa propre mort. Il revêt en ce cas les formes et les déguisements les plus bizarres, se présente par exemple sous l'aspect d'un animal blanc ou noir, selon qu'il doit être sauvé ou perdu dans l'autre monde. Expérience, c'est le terme consacré en Bretagne, il équivaut à ce que l'on appelle le double. Une femme sur le point de trépasser fut vue en chemise sur la branche d'un pommier à quelque distance de la maison au moment précis où elle entrait en agonie. Le Braz, pas que d'Islande, l'intersigne du double a été relevé aussi en Irlande. Deux jeunes gens qui étaient partis en barque apparaissent jouant dans un champ loin du rivage à un homme du voisinage. Le lendemain, on les trouve noyés. Dîner, Peasant Love from Gaelic Ireland. Un homme que des amis aperçoivent sur la route un jour où il n'était pas sorti de chez lui meurt bientôt après. Un médecin endormi dans son lit s'aperçoit lui-même et apparaît à sa femme debout auprès de la table. Il meurt la nuit suivante. Kennedy Legendary Fictions. Un daim que l'on aperçoit au loin mais qui devient invisible si l'on en approche est dans l'île Lewis un signe de mort. MacPhail Folklore from the Hebrides. Quand on est pris sans cause apparente d'un frisson subit, on dit généralement que c'est l'encou, la mort, qui vient de passer. Le Rosic Carnac, en Écosse, un bourdonnement d'oreilles, est l'intersigne de la mort d'un ami dont on recevra bientôt la nouvelle. G.G. Campbell, Superstition of the Highlands and Islands of Scotland. Goodrich Freer, More Folklore from the Hebrides. Si l'on se sent les pieds excessivement fatigués, c'est qu'on aura à aller inviter les gens à un enterrement. Si on est saisi par une sensation d'horreur en quelque lieu, c'est signe que quelqu'un s'est noyé là. Henderson, Survival in Belief Among the Celts. À l'appel brusque de quelqu'un, au contact imprévu de quelque chose, faites-vous instinctivement un soubresaut? C'est que la mort qui venait de s'abattre sur vous vous quitte pour s'emparer d'un autre. Se sentir les yeux tout à coup pleins de larmes, signe que l'on aura bientôt à pleurer quelqu'un des siens. Les intersignes sont en Bretagne si nombreux et si variés qu'il est impossible de les énumérer tous. Voici quelques intersignes connus dans les pays celtiques que nous n'avons pas relevés en Bretagne. En Écosse, le pluvier doré qui crie la nuit ou le coucou qui chante sur le haut de la maison ou sur la cheminée sont des intersignes funèbres. G.J. Campbell, Superstition of the Highlands and Islands of Scotland. En Irlande, le coucou annonce la mort à une certaine famille, Lady Wilde, Ancient Legends. En Galles, les oies donnent des présages de mort quand elles volent au-dessus d'une maison ou pondent un petit œuf. Il en est de même d'une poule qui pond un petit œuf ou qui pond deux œufs le même jour. E. Owen, Welsh Folklore. En Cornwall, la tourterelle est un oiseau de mauvaise augure, Folklore Journal, et l'apparition soudaine de rats ou de souris est un signe de mort, The Folklore Journal. Dans le même pays, quand on voit sur un chêne des feuilles étrangères, c'est pour certaines familles un présage de mort, The Folklore Journal. En Galles, une personne qui apporte de la bruyère dans une maison cause la mort d'un membre de la famille. E. Owen, Welsh Folklore. En Irlande, un roitelet qui chante au pied d'un lit annonce la mort. Autant de fois il s'abat sur le sol, autant de morts on aura à pleurer. The Folklore Journal. Si l'on voit dans les limites de la même ville les deux bouts d'un arc-en-ciel, c'est signe qu'il y aura une mort dans la ville. Folklore. On croit à Kilkerry, Irlande, que si le premier agneau de la saison que l'on voit est noir, on mourra dans l'année. Folklore. Lady Wilde, Ancient Legends. Le bruit d'un ver rongeant du bois est en Écosse un intersigne de mort. Walter Gregor. En Galles, l'insecte qui fait le même bruit que le mouvement d'une montre est aussi un présage de mort. E. Owen, Welsh Folklore. Il en est de même d'une joie extraordinaire, d'une récolte exceptionnellement bonne. Walter Gregor. Lorsqu'un fermier, en semant ou en plantant, oublie une rangée ou un sillon, c'est en Galles un signe de mort. E. Owen, Welsh Folklore. En Écosse, les fantômes sont souvent des intersignes de mort. Une nuit, on voit un revenant s'approcher du lit d'un de ses frères et l'embrasser. Celui-ci meurt bientôt après. MacPhail, Folklore from the Hebrides. Un homme sent sur son dos le poids d'un cadavre. Quelque temps après, il apprend qu'un naufrage a eu lieu. W. A. Craigie, Somme Highland Folklore. En Galles, des gens vu des amis s'approcher d'eux et se dissiper dans l'air quand ils s'avançaient pour leur serrer la main. Cette apparition est considérée comme le signe de la mort des personnes ainsi aperçues. E. Owen, Welsh Folklore. Les membres des vieilles familles irlandaises ont leur banshee. Fantômes sous forme de femmes qui vient les avertir du moment où ils mourront. Les familles de parvenus n'en ont point. J. H. Kenahan, The Folklore Record. La Banshee des O'Brien était une femme séduite et tuée par un membre de cette famille. Elle apparaissait au clair de lune la nuit où mourait un O'Brien. Elle avait une robe blanche, de longs cheveux noirs, une figure pâle. Sa voix était étrange et elle poussait de longs soupirs. Kennedy, The Fireside Stories of Ireland. La Banshee est quelquefois le fantôme d'une personne qui était, pendant sa vie, très attachée à la famille qu'elle vient avertir de l'approche de la mort. Mais alors son chant est doux, il encourage le moribond et console les survivants. McAnally, Irish Wonders. La Banshee chante surtout la nuit, un ou deux jours avant la mort. Elle n'est entendue le plus souvent que par celui qui doit mourir. Lady Wilde, Ancient Legends. Huit intersignes pour la même mort. Toutes les fois qu'il est mort quelqu'un des miens, j'en ai été averti par un intersigne. Mais les intersignes qui m'ont le plus frappé, ce sont ceux qui précédèrent la mort de mon mari. J'en eus de toutes sortes pendant les 7 mois que dura sa maladie. Un soir, que je l'avais veillé un peu tard, je m'étais endormi de lassitude sur le banc auprès du lit. Je fus réveillé brusquement par un bruit semblable à celui d'une fenêtre qui s'ouvre. « Allons, pensais-je, c'est le vent qui fait des siennes. Un coup de vent subit qui ne brise et ne dérange rien est un intersigne pour une famille irlandaise. Il est causé par le passage de l'âme du mort. » Lady Wilde, Ancient Legends. Il venait de me passer sur la figure un souffle humide et frais comme s'il sortait d'une cave. Je me rappelais que j'avais oublié du lin peigné sur la haie du courtis où je l'avais mis à sécher, et je me dis « pourvu que le vent n'ait pas déjà emporté mon lin ». Je me levai précipitamment. À ma grande surprise, la fenêtre était hermétiquement close. J'allais à la porte et je l'ouvris. Il faisait une nuit claire, pleine d'étoiles. Le lin était toujours sur la haie. Les arbres du courtis se tenaient immobiles. Pas une ombre de vent. Je ne m'inquiétais pas trop de ce premier fait, si mystérieux qu'il me parut. À quelques jours de là, à la tombée du jour, je filai sur le pas de la porte en compagnie d'une voisine. Tout à coup, je m'entendis appeler par mon mari, qui était couché à l'autre bout de la maison dans un lit près de l'âtre. J'accourus. « Que te faut-il ? » lui demandai-je. Il ne me répondit point, et je vis qu'il dormait profondément, la tête tournée du côté de la muraille. Je revins vers la voisine. « Est-ce que vous n'avez pas entendu Lucas m'appeler tout de suite ?»« Si bien. Comment expliquer cela ? Il dort maintenant d'un sommeil de blaireau. » Un ou deux mois s'écoulèrent. Mon homme n'allait ni mieux ni pis. Cette nuit-là, je venais de m'étendre à son côté et je commençais à prendre mon repos quand j'entendis dans le grenier, juste au-dessus de ma tête, le pas de quelqu'un qui marchait avec précaution. Puis ce furent comme des chuchotements entre plusieurs personnes. Puis un fracas de planches qu'on remue. Enfin, les coups répétés d'un marteau enfonçant des pointes. Tout cela était bien extraordinaire, car la trappe du grenier n'avait pas été levée depuis plus d'une semaine, et en tout cas, il n'y avait dans ce grenier qu'un peu de balle d'avoine, quelques menus fagots, et pas une seule planche. Je criai à haute voix, « Qu'est-ce donc qui fait là-haut tout ce bruit pour empêcher les chrétiens de dormir ?» Je fis ensuite le signe de la croix et j'attendis, mais dès que j'eus parlé, le bruit cessa. Le lendemain, j'allai à la rivière laver des draps. Pour se rendre de chez nous au Guindy, il n'y a pas de route, mais un étroit sentier qui longe sur presque tout le trajet des talus plantés d'aunes. Le Guindy traverse le territoire de Plusunette, c'est lui qui conflue à Tréguier avec le Jaudy. Je m'étais à peine engagé dans le sentier que j'entendis un pas derrière moi et aussi une respiration haletante, ainsi qu'un bruissement dans les branches d'aulne qui surplombaient. Chose étrange, je reconnus distinctement le pas de mon mari, le pas qu'il avait du temps qu'il était bien portant quand il rentrait de sa journée dans une des fermes d'alentour. Je me retournai. Personne. Je passai la matinée au lavoir. Au retour, je n'entendis plus rien, mais le fait de linge que je portais se mit à peser sur mes épaules d'un tel poids qu'on aurait juré que la toile s'était changée en plomb. J'ai compris depuis ce que cela signifiait. Parmi ces draps se trouvait celui qui devait servir 3 jours après à ensevelir mon pauvre cher homme. Car 3 jours après, Lucas mourut. Dieu et son âme. Ces 3 jours durant, les signes se succédèrent de façon presque ininterrompue. Une nuit, c'était la porte qui battait avec violence, une rumeur de foule pénétrant dans la maison, des pas nombreux montant l'escalier et le redescendant. La nuit suivante, c'était des sonneries lointaines de cloches. Une lumière brûlant d'une flamme pâle au chevet du lit où nous couchions, puis des chants de prêtres qui s'en venaient par les champs de la direction du bourg. J'en étais arrivé à ne plus pouvoir fermer l'œil. Mais ce fut la dernière nuit qui fut la plus terrible. Mon mari, qui ne paraissait pas plus mal, m'avait défendu de veiller. Quand j'ai constaté qu'il reposait, j'essayais de m'assoupir à mon tour. Mais à ce moment, les cahots d'une charrette se firent entendre. C'était d'autant plus surprenant qu'il n'y avait aucune voie charretière dans le voisinage de notre maison. Lorsque nous étions venus l'habiter, nous avions dû y transporter nos meubles dans des brouettes. Cependant, c'était bien vers notre maison que se dirigeait la voiture. Le cri de l'essieu mal graissé se faisait de plus en plus distinct. Je l'entendis bientôt tout contre le pignon. Je me levai sur les genoux. Dans le mur auquel s'appuyait le bois du lit, il y avait une lucarne. Je regardais par cette lucarne, pensant que je verrais passer la charrette. Mais je ne vis rien que l'air toute blanche au clair de la lune et les formes noires des arbres sur les fossés des champs. L'essieu continuait pourtant de grincer et la charrette de cahoter. Elle fit le tour de la maison une première fois, puis une seconde, puis une troisième. Au troisième tour, un coup formidable s'abattit sur la porte. Mon mari se réveilla en sursaut. « Qu'y a-t-il ? » Je ne voulus pas l'attrister et je répondis « Je ne sais pas ». Mais je grelottais d'épouvante. Il faut croire qu'on ne meurt pas de frayeur, puisque j'ai survécu à cette nuit-là. Mon homme trépassa le lendemain, qui était un samedi, sur le coup de 10 heures. Communiqué par M. Lemar, instituteur compté par une vieille filandière de Plusunette, côte du Nord, août 1891. En Écosse, si l'on entend à la porte un murmure de voix humaines et qu'on n'aperçoive personne, c'est un intersigne de mort. Les voix sont celles de gens qui causent à voix basse en attendant la levée du corps. Walter Gregor. Un craquement de planche est un intersigne de mort pour une famille irlandaise, Lady Wilde d'Ancient Legends. Au pays de Galles, les bruits qui ressemblent à ceux que font les fabricants de cercueils ou les porteurs d'une bière funèbre, entendus d'en dehors ou d'en haut, sont des intersignes de mort. Tierney, Hermine. E. Owen, Welsh Folklore. En Galles, un son de cloche dans l'oreille est un signe sûr de mort dans le voisinage. Comme Rofou, en Galles, un intersigne est la Felch Candle, chandelle de mort, ou Copse Candle, Canwyll Gough, chandelle de cadavre. C'est une torche magnifique à flamme bleue qui s'avance majestueusement de place en place. Quelquefois, elle apparaît dans la main du fantôme de la personne qui doit bientôt mourir. The Cambro Briton, Kim Rofou, E. Owen, Welsh Folklore, H.C. Tierney, Hermine. Rhys, Celtic Folklore. Quelquefois, elle semble sortir du lit du malade et aller au cimetière par le chemin que suivent les enterrements. Folklore, revue des traditions populaires. Le 31 octobre à minuit, les femmes s'assemblent dans l'église paroissiale. D'après l'état de la flamme de la chandelle qu'elles tiennent à la main, elles conjecturent leur sort à venir. Elles entendent les noms ou voient les cercueils de ceux qui mourront dans l'année. Rhys. En Écosse et dans l'île de Man, les lumières sont souvent des intersignes de mort. Tantôt, c'est pendant la nuit, la veille du 1er mai, une lumière qui semble sortir d'une maison et qui se dirige vers l'église. Folklore. Tantôt, des lumières qui apparaissent dans le cimetière avant un enterrement ou au moment d'une mort ou sur la route du cimetière. Walter Gregor. Quelquefois, c'est une boule de feu avec une queue comme un cerf-volant. Un homme sur les deux épaules duquel on aperçoit une lumière meurt bientôt. Une jeune fille paraît toute lumineuse au moment même où son père mourait. À la suite d'un naufrage, on aperçoit des lumières sur la grève. Trois coups frappés à la porte sont un intersigne de mort, le Calvez, la mort en Basse-Bretagne. Revue des traditions populaires. Le Rouzic, Carnac. En Irlande, si à minuit, pendant trois nuits successives, on entend frapper à la porte de la maison, c'est un intersigne de mort. Dinnie. En Écosse, l'intersigne consiste en trois coups frappés à intervalles réguliers d'une ou deux minutes. Walter Gregor. En Galles, la personne qui est la plus proche parente de celle qui va mourir entend un bruit plaintif qui fait dresser les cheveux et glace le sang dans les veines. The Cambro Briton. Il part de la maison du moribond pour finir au cimetière. Les chiens qui l'entendent s'enfuient et se cachent. E. Owen, Welsh Folklore. L'intersigne des bœufs. Ceci se passait un peu avant la Grande Révolution. Je le tiens de ma mère qui avait 16 ans à l'époque et qui n'a jamais menti. Elle était vachère dans une ferme de Briec. Je ne saurais vous dire au juste le nom de la ferme, mais elle devait être située quelque part aux alentours de la plaine. La plaine, Arblenen, est le nom sous lequel on désigne un vaste plateau marécageux entre Briec et Plébin. J'ai traversé cette triste région, il m'en est resté une impression poignante de mélancolie et de solitude. Cela ressemble à une Camargue sans soleil, rien que des champs de joncs où dorment çà et là des mares lugubres. Il me souvient que le maître s'appelait Ewen, Yves. C'était un brave homme et qui plus est un homme savant. Il avait étudié au collège de Pont-Croix pour être prêtre, mais il avait préféré revenir au labour, sans doute parce qu'il ne se sentait pas la vocation. Il n'avait pas désappris toutefois ce qui lui avait été enseigné au temps de sa jeunesse, et on le vénérait dans le pays, attendu qu'il savait lire dans toute espèce de livres. On disait même qu'il était capable de converser en n'importe quelle langue avec n'importe qui. Un matin, il dit au grand charretier « Tu mettras le joug à la plus jeune paire de bœufs afin que je les aille vendre à la foire de Plébin. » Il était comme cela. Qu'il s'agit de vendre ou d'acheter, il ne se décidait jamais qu'au dernier moment, et cela lui réussissait toujours. On prétendait qu'il avait un esprit familier qui lui soufflait à l'oreille à l'instant précis ce qu'il devait faire. Aussi ne faisait-il que d'excellents marchés. Donc, le grand charretier imposa le joug aux deux bœufs les plus jeunes et scella un cheval pour le maître. Celui-ci se mit en route après avoir distribué sa tâche à chacun dans la ferme. Sa femme, qui était venue au seuil pour le regarder partir, dit à ma mère « Aussi vrai que je vous l'affirme, Tina, des deux jeunes bœufs que voilà, mon homme me rapportera 100 écus. Ma mère s'en fut conduire aux champs les vaches dont elle avait la garde. À la brume de nuit, elle les ramena. Le sentier qu'elle devait suivre faisait croix avec la grande route. Comme elle arrivait au carrefour, elle rencontra le maître qui s'en retournait de la foire. Elle ne fut pas peu surprise de voir qu'il revenait avec la paire de bœufs dont il s'était promis de se débarrasser. Vous savez qu'en Basse-Bretagne, on ne se gêne pas pour causer librement même avec les maîtres. « Mais ta vie, Youen, dit ma mère, que la foire de Plébin ne vous a guère rapporté. » « C'est ce qui te trompe, répondit le maître d'un ton étrange. Elle m'a rapporté plus que je ne souhaitais. »« Voir, pensa ma mère. En tout cas, il n'avait pas l'air joyeux. Il laissait aller son cheval au pas, la bride abandonnée sur le cou. Quant à lui, il avait les bras croisés, la tête inclinée et songeuse. Les bœufs l'escortaient l'un à droite, l'autre à gauche, avec une sorte de solennité. Ils avaient dû perdre à la foire le joug qui les attachait. C'étaient d'ailleurs deux bonnes bêtes, dociles, quoique jeunes. Ils n'avaient pas encore été attelés à la charrue ni au tombereau, parce que Yuen les réservait pour la vente. Mais on voyait déjà, à leur allure posée, à la façon paisible dont ils allongeaient le mufle vers le sol, qu'ils étaient tout prêts à faire de vaillantes besognes. Pour le moment, ils avaient l'air, eux aussi, de songer à des choses tristes, comme le maître. On marcha quelque temps en silence, les vaches en avant. Ma mère se demandait ce que le maître avait bien pu vouloir dire. En quoi donc la foire de Plébin lui avait-elle rapporté plus qu'il ne souhaitait? Il tenait le milieu de la chaussée avec la paire de bœufs. Ma mère cheminait dans l'herbe de la douve. Tout à coup, Yuen l'interpella. « Tina, dit-il, je ramènerai moi-même les vaches. Toi, prends cette voie de traverse et cours d'une haleine jusqu'au bourg. Tu passeras d'abord chez le menuisier pour lui commander un cercueil de 6 pieds de long sur 2 pieds de large. Puis tu te rendras au presbytère. Quel que soit le prêtre de service, tu le prieras de prendre son sac d'extrême-onction et de te suivre chez nous au plus vite. » Le sac d'extrême-onction, Arsat Noen, appelé aussi Arsat Du, c'est une sorte de sacoche en velours noir dans laquelle le prêtre met un rochet, une étole et les saintes huiles pour aller extrémiser les moribonds. Le rochet est le surplis des évêques, des chanoines ou des abbés. Ma mère regarda le maître avec stupéfaction. Il avait des larmes qui roulaient sur la joue. « Va, commanda-t-il, et sois prompte. » Ma mère prit ses sabots dans ses mains, enfila la voie de traverse et courut au bourg tout d'une haleine. Une heure après, elle était de retour à la ferme. Un des vicaires l'accompagnait. Sur le seuil était assise la fermière. « Vous arrivez trop tard, dit celle-ci au vicaire. « Mon mari est trépassé. » Ma mère n'en pouvait croire ses oreilles. La fermière fit tout de même entrer le prêtre. Ma mère se glissa derrière eux dans la cuisine. Sur la table, on avait étendu un matelas, et le maître était couché dessus, mort. Il avait encore ses vêtements de la journée. Le vicaire aspergea le corps d'eau bénite et commença les prières funèbres. Quand il fut parti, ma mère reçut l'ordre de gagner le lit, car on préparait tout pour la dernière toilette du défunt. Ce lit était au bas bout de la maison. Une simple cloison de planches séparait la pièce de la cuisine. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma mère n'avait nulle envie de dormir. Elle fit mine de se coucher et de tirer sur elle les volets du lit. Mais quand il se fut écoulé quelque temps, elle se releva en chemise et vint coller l'oreille à la cloison. Il n'était resté dans la cuisine que la veuve de Yuen et deux vieilles femmes du voisinage qui avaient coutume d'ensevelir. Dans la cour, on entendait causer les gens de la maison et d'autres venus des alentours pour la veiller. Tous se demandaient comment la mort avait pu abattre si soudainement un homme aussi solide. C'était aussi ce qui intriguait ma mère. Elle ne tarda pas à être renseignée, car elle ne perdit pas un mot du récit que faisait la fermière aux deux vieilles femmes dans la cuisine pendant qu'elles lavaient ensemble le cadavre de Yuen. « Vous savez, disait la fermière, que jamais il ne manquait de vente. Quand je l'ai vu revenir avec les bœufs, je lui en ai fait le reproche. « Yuen, lui dis-je, cette fois, tu es en faute. « C'est la première fois et ce sera la dernière, me répondit-il. « Plaise à Dieu, fis-je. Il me regarda drôlement et il me dit, « Voilà un souhait que tu regretteras vite de voir exaucé, car il t'en viendra grande peine. « Oui, poursuivit-il après un silence, « c'est la première fois que tu me prends en faute sur un marché, et ce sera aussi la dernière, parce que nul autre marché je ne ferai de ma vie. Demain l'on m'enterrera. » J'avais bien envie de le traiter de rêveur, mais je me souvins de certaines paroles qu'il m'avait dites naguère. Le premier averti de ma mort, ce sera moi, m'avait-il souvent répété. Je le vis si abattu que la peur me saisit. Évidemment, il avait dû avoir son intersigne. Je lui demandais, toute tremblante, « Que s'est-il donc passé depuis ce matin ?»« Ma foi de Dieu, dit-il, nous étions arrivés à la descente de Châteaulin, quand tout à coup les bœufs, qui jusque-là avaient fait la route paisiblement, s'arrêtèrent et se mirent à renifler avec bruit. Puis l'un d'eux dit à l'autre en son langage de bête, « M'est avis qu'on nous mène à Châteaulin ?»« Oui, répondit l'autre, mais on nous ramènera ce soir à la plaine. » Je les exposai sur le champ de foire. Les gens se mirent à tourner alentour. Chacun disait, « Voilà une belle paire de bouvillons, mais personne ne m'en demandait le prix. » Ce fut ainsi toute la journée. Durant longtemps, je dévorais mon impatience, mais quand je vis le champ de foire se vider et venir la tombée du soir, je ne pus me défendre de jurer et de sacrer tout bas. En vérité, à ce moment-là, je crois que j'eusse donné mes deux bêtes pour rien, si seulement j'en avais trouvé preneur. Le bœuf noir et gris s'étant mis à creuser le sol de son sabot, je lui détachai un coup de pied dans le ventre. Il me regarda alors du coin de l'œil tristement, et il me dit, « Yuen, avant 2 heures il fera nuit, et dans 4 heures vous serez mort. Retournons vite à la ferme, vous pour mettre votre conscience en règle, et nous pour nous préparer à notre travail de demain, qui sera de vous porter en terre. « Voilà ce que m'a conté mon homme, » ajouta la fermière. « Un autre se serait peut-être mis en colère contre le bœuf, mais lui, qui était un homme de sens, il a suivi son conseil, grâce à quoi il a trépassé, non dans la douve du grand chemin comme un animal, mais dans sa maison munie pour le voyage des prières d'un prêtre comme un bon chrétien. « Doué la bardono en anan. Dieu pardonne aux défunts, » murmurèrent les vieilles femmes. Ma mère fit le signe de la croix et regagna son lit. Le lendemain, les deux bouvillons traînèrent au bourg de Briec la charrette funèbre. Ceci se passait un peu avant la grande révolution. Depuis ce temps-là, on prétend que les bœufs ne parlent plus, si ce n'est pourtant à l'heure de minuit durant la veillée de Noël. Comté par Naïc, vieille marchande de fruits, Quimper, 1887. Le mot rêveur est usité dans le pays de Quimper aussi bien en breton qu'en français pour désigner quelqu'un qui a des idées bizarres, saugrenues. Un fermier voulut entendre ce que pourraient bien se dire ses bœufs et se cacha dans le grenier au-dessus de l'étable. « Que ferons-nous demain ?» demanda l'un des bœufs à son compagnon. « Nous porterons notre maître en terre. » Ce fut en effet le premier travail qu'ils firent. Le fermier épouvanté trépassa dans la nuit. Voir Mahé, essai sur les antiquités du Morbihan. Perrin, Galerie Bretonne. Luzel, la veillée de Noël, revue de Bretagne et de Vendée. Le Calvez, la mort en Basse-Bretagne, revue des traditions populaires. Anatole Le Braz, vieilles histoires du pays breton. La danse des pois. Madame Madec était une vieille épicière de Pont-Croix, dans le Finistère. Comme elle était malade depuis longtemps, elle prit pour la remplacer à la boutique une jeune fille des environs. Un soir, un paysan vint demander à acheter des petits pois. La jeune fille se mit à le servir. Elle avait déjà versé les pois dans un des plateaux de la balance et s'apprêtait à les peser quand tout à coup, les voilà de sauter et de tourbillonner comme font les danseurs et les danseuses les jours de pardon. Je vous promets que c'était une drôle de gavotte. La jeune fille crut à une farce du paysan, mais celui-ci se tenait à distance du comptoir, les bras croisés, suivant la manière bretonne, et il était encore plus ahuri que celle qui le servait de voir la danse que dansaient les pois et qui dura bien 2 ou 3 minutes. Même, il fit des difficultés pour les prendre sous prétexte qu'il devait être ensorcelé. Quand il fut parti, la jeune fille s'empressa vers l'arrière-boutique pour conter la chose à Madame Madec. Mais Madame Madec était hors d'état de l'entendre. Elle venait de rendre l'âme. Conté par Madame Riolet, Quimper, juin 1891. L'intersigne des épingles. Vous connaissez les grandes coiffes que portent les femmes dans les circonstances solennelles au pays de Tréguier et de Goëlo. Le Goëlo comprend toute la partie bretonne de l'arrondissement de Saint-Brieuc. Le Trieux le sépare du pays de Tréguier. Vous n'ignorez pas non plus qu'on en rabat les ailes lorsqu'on est en deuil de l'un de ses proches. Il est indispensable que vous sachiez cela pour comprendre l'intersigne que voici. Il s'est produit dans une maison d'Ivias il y a de cela une 40aine d'années. C'était un dimanche de Pâques. La jeune fille de la maison, elle s'appelait Marie-Louise, était en train de s'attifer pour la messe. Elle avait sorti de son armoire ses vêtements les plus beaux, comme il sied pour une fête de cette importance, et aussi la plus brodée de ses catioles. C'est le nom que nous donnons ici à nos grandes coiffes. Certaines femmes ont besoin, pour se coiffer, d'une ou même de plusieurs aides. Marie-Louise s'en tirait d'ordinaire toute seule, et peu de catioles, cependant, étaient aussi joliment disposées que la sienne. Ce matin-là, elle était donc debout devant son miroir. Sa coiffe était déjà à moitié mise. Elle avait ramené sur son front un double bandeau de cheveux, rassemblé les tresses au fond du bonnet. Elle n'avait plus, pour être prête, qu'à replier les ailes de sa coiffe, puis à les épingler l'une sur l'autre. Elle en ajusta sans peine les bouts, étant, comme je vous l'ai dit, très habile de ses mains. Mais lorsqu'il s'agit de les épingler, ce fut une autre histoire. Elle tenait les épingles entre ses dents afin d'avoir les bras libres. D'habitude, une seule épingle lui suffisait à établir solidement l'édifice de sa coiffure. Elle en prend une, l'épingle lui glisse des doigts. Elle en prend une autre, la fixe à la place voulue, ding ! La seconde épingle se détache, tombe sur le plancher de la chambre en faisant un petit bruit clair, et les ailes de la coiffe se déploient sur les épaules de Marie-Louise. Marie-Louise essaye d'une troisième, d'une quatrième épingle. La douzaine y passe. Peine perdue. Il semble que les épingles se refusent à fixer les ailes de la coiffe ou que les ailes de la coiffe se refusent à se laisser fixer. Or, le deuxième son de la messe venait de sonner au bourg. La jeune fille risquait d'arriver en retard à l'église, ce qui n'eût pas été convenable un jour de Pâques. Dépitée, elle se résigne enfin à faire ce qu'elle n'avait jamais fait, à appeler une servante pour l'aider à mettre sa coiffe. La servante monte. Elle eût aussi bien fait de rester en bas à vaquer à sa besogne de cuisine. Pas plus que sa maîtresse, elle ne réussit à faire tenir les épingles. Autant elle en fourre dans la coiffe, autant il en pleut à terre. À chaque épingle qu'elle fixe, elle dit « Pour sûr, ça y est, cette fois !» Marie-Louise, qui a les bras levés, pour maintenir les deux ailes de tulle, les laisse retomber en poussant un soupir d'aise, mais dès que les bras de la jeune fille retombent, les ailes de la coiffe font de même. Encore une épingle pour voir. Il y eut bientôt tout un tas aux pieds de Marie-Louise. Ding, ding, ding, à chaque épingle nouvelle, toujours le même petit bruit clair. Le troisième son de la messe sonna. Marie-Louise ne put arriver à temps à l'église. Elle s'en confessa au recteur le soir en lui contant son aventure. Le recteur lui dit « Notez ce jour dans votre mémoire ». Peu de temps après, la jeune fille Livias apprit que son fiancé, qui était soldat en Algérie, avait trépassé le dimanche de Pâques vers les 10 heures du matin. Conté par Jeanne Yvonne Parisquat, marchande, Ivias, août 1888. Voir aussi Guerzio Braisisel. La main sur la porte. C'était au pont l'abbé, il y a bien 70 ans. Ma grand-mère était très malade, presque à l'article de la mort. Ma mère la veillait en compagnie de ses 3 sœurs. Vers le milieu de la nuit, ma mère dit à ses 3 sœurs, qui étaient encore un peu jeunes et que la fatigue accablait, « Allez vous reposer, enfant, la moitié de la nuit est déjà passée. Je veillerai bien seule maintenant jusqu'au matin. » Et les 3 fillettes de gagner leur chambre commune. Au moment où celle qui était entrée la dernière fermait la porte, elle fit un grand cri. « Voyez donc !» Sur le bois de la porte, une main s'étalait, les 5 doigts ouverts, une main maigre, osseuse et ridée, avec de grosses veines saillantes. Et cette main était toute pareille à celle de la moribonde. Les mineurs de Cornouailles voient parfois une main de mort qui porte une lumière. C'est un signe de malheur. Revue des traditions populaires. Les jeunes filles furent prises de tristesse. Elles s'agenouillèrent aux pieds de leur lit pour faire leurs prières, comme elles avaient coutume. Mais elles eurent beau enfoncer leur tête dans les matelas des lits et appliquer toutes leurs pensées à l'oraison qu'elles récitaient, elles songeaient toujours, malgré elles, à la main et ne pouvaient s'empêcher de glisser un regard de côté pour voir si elle apparaissait encore. La main restait collée à la même place. Soudain, ma mère monta. « Venez, dit-elle, je crois que c'est la fin. » Elles redescendirent toutes les 4 et arrivèrent juste à temps pour recevoir le dernier soupir de la vieille. Conté par Madame Riolet, Quimper, juin 1891. L'intersigne du berceau. Marie Gouriou demeurait au village de Mingwen, la Pierre Blanche, près de Paimpol. Son homme était à Islande, où il faisait la pêche. Ce soir-là, Marie Gouriou s'était couchée, après avoir placé sur le banc tossel, tout contre son lit, le berceau où dormait son petit enfant. Elle était assoupie depuis quelque temps lorsque, dans son sommeil, elle crut entendre l'enfant pleurer. Elle ouvrit les yeux, regarda. « Jésus m'a doué, Jésus mon Dieu !» La chambre était pleine de lumière et un homme penché sur le berceau berçait doucement le petit en lui chantant à mi-voix un refrain de matelot. L'homme avait rabattu sur son visage le capuchon de son ciré, en sorte qu'on ne pouvait distinguer ses traits. « Qui êtes-vous ? » s'écria Marie Gouriou, épouvantée. L'homme leva la tête. Marie Gouriou reconnut son mari. « Comment ? Tu es déjà de retour ? » Il n'y avait guère plus d'un mois qu'il était parti. Elle remarqua que ses habits ruisselaient, et cela sentait très fort l'eau de mer. « Prends donc garde, » dit-elle, « tu vas mouiller l'enfant. Attends, je vais allumer du feu. » Elle avait déjà les 2 jambes hors de son lit et s'apprêtait à passer son jupon, mais la lumière étrange qui emplissait la maison s'évanouit aussitôt. Marie chercha à tâtons les allumettes, en frotta une et constata que son mari n'était plus là. Elle ne devait plus le revoir. Le premier chasseur qui revint d'Islande lui apprit que le navire où s'était embarqué son homme s'était perdu corps et biens la nuit même où Gouriou lui était apparu penché sur le berceau de son fils. Conté par Guanvic Cantonnier, Paimpol. Le chasseur, on appelle ainsi les navires qui, dans le courant de mai, vont chercher en Islande les produits de la première pêche commencée depuis mars. Il rapporte le poisson aux armateurs et des nouvelles aux parents des pêcheurs. L'intersigne du cadavre. J'avais environ 12 ans. Nous habitions alors le petit hameau marin de l'Échiagat où mon père était sous-patron des douanes. Ma mère avait un frère, l'oncle Jean, marié non loin de nous à Pont-l'Abbé, chez lequel j'allais quelquefois passer les fêtes de Noël ou celles de Pâques avec mes cousines. J'aimais beaucoup cet oncle qui me rapportait toujours quelques souvenirs de ses voyages, car il naviguait au long cours, comme second à bord de la Virginie, un navire de Nantes qui faisait les campagnes des mers du Sud. Ma mère aussi avait une grande affection pour son frère, un peu plus jeune qu'elle et dont elle était la marraine. Il lui écrivait presque aussi souvent qu'à sa femme, et justement ce jour-là, on avait reçu une lettre de lui annonçant qu'il venait d'arriver à Montevideo, qu'il était en bonne santé et que sous peu la Virginie devait faire voile vers la France. Je me rappelle très bien ces détails parce que, comme je vous l'ai dit, je m'intéressais vivement à tout ce qui concernait mon oncle. Nous avions soupé seuls, ma mère et moi, mon père étant de garde sur la côte. Il faisait assez mauvais temps, pluie et vent mêlés. Quand il fut l'heure de me coucher, ma mère me dit « N'oublie pas l'oncle Jean dans tes prières au moins. »« Oh, n'ayez crainte, » répondis-je. Je manquais rarement de réciter un pater tout exprès à son intention, afin qu'il pensât de son côté à me rapporter quelques présents bien beaux du pays où il voyageait. Je fis donc ce soir-là comme de coutume, mais sans que j'eusse su dire pourquoi, à mesure que je priais, je me sentais devenir toute triste, si triste que je finis par me mettre à pleurer. Ma mère, alors, s'approchant de mon lit, me demanda « Qu'est-ce que tu as donc à gémir ainsi? Dors vite, tu vois bien que la nuit est venue. » En me parlant de la sorte, elle me désignait une petite lucarne semblable à un hublot de navire qui était percé dans le mur un peu au-dessus de ma tête et par laquelle on pouvait apercevoir en effet un carré de ciel sombre où des nuages passaient. J'essuyai mes larmes et feignis de fermer les yeux. Mais quand ma mère eut repris son tricot auprès de la table, je les rouvris de nouveau et restai à songer dans l'obscurité. Dehors, le vent soufflait par grandes bouffées, mais dans les intervalles d'accalmie, on entendait le crépitement de la pluie sur les ardoises du toit. Je distinguais le bruit d'autant mieux que notre maison n'avait pas d'étage. Or, soudain, il me sembla qu'une goutte d'eau traversait le plancher du grenier et tombait sur mes draps. Et après celle-là, ce fut une seconde, puis une troisième, puis cinq, dix, vingt autres à la suite. Cela faisait par petits coups réguliers et lents. Je hélai ma mère. « Quoi ? » fit-elle. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » ?»« Je crois qu'il pleut dans mon lit. Quelle idée ! » Elle promena la main sur mes couvertures, prit la chandelle pour regarder au plancher et constata qu'il n'y avait pas la plus légère marque d'humidité nulle part. Le bruit lui-même avait cessé. « Tu sais, » me dit ma mère, « si tu continues à faire ta sotte, et à rêver de choses qui ne sont pas au lieu de dormir, j'en avertirai ton père quand il va rentrer. » J'avais peur de mon père, qui était un homme de manière rude, quoique foncièrement bon, et je promis d'être dorénavant bien sage. Ma mère, cependant, s'était à peine éloignée que les étranges « toc, toc, toc » recommençaient. D'où cette eau pleuvait-elle ainsi, sans laisser de traces? Je n'arrivais pas à m'en rendre compte en dépit de tous mes efforts, si bien qu'à la longue, je n'y prêtais plus qu'une attention de plus en plus distraite et réussis même, je crois, à m'assoupir car je n'entendis pas rentrer mon père. Un fracas subit comme d'un barrage qui crève me réveilla en sursaut. Je me dressai sur mon séant, les yeux grands ouverts et toute frissonnante. Ce que je vis alors me glaça d'une telle horreur que d'y songer encore après 50 ans, je me sens pâlir. La lucarne, cette lucarne qui était au-dessus de ma tête dans le mur, semblait ébranlée par des chocs effrayants. Brusquement, elle céda, et une poussée d'eau s'engouffra par le trou béant. Il en venait, il en venait. En un clin d'œil, je me sentis submergée, et cela montait, montait sans fin, en couches profondes, vertes, transparentes. Je me faisais l'effet d'être assise au fond de la mer. Le mur, le plancher, le bois même de mon lit clos, tout avait disparu. De quelque côté que je tournasse mes regards, je n'apercevais que de l'eau encore, toujours de l'eau. J'avais conscience d'être là comme une noyée qui fût demeurée vivante, et vous ne sauriez vous figurer combien c'était affreux. Mais le plus terrible, le voici. Comme je regardais avec stupeur cette eau s'amonceler, le cadavre d'un homme à demi nu passa presque à toucher mon visage, étendu de son long et flottant, inerte, ballotté par les vagues. Il avait les bras en croix et les jambes écartées. Les lambeaux d'un caleçon de molleton rouge étaient retenus par un bout de corde autour de ses reins. Je me rejetai violemment en arrière. Mes draps faisaient un grand bruit d'eau clapotante. Je crus qu'elles allaient m'emporter avec le cadavre qu'elles entraînaient et je poussai un cri déchirant pour appeler au secours. Mon père, que je ne savais pas rentrer, ne fit qu'un bond jusqu'à mon lit. Je me souviens qu'il avait encore dans les mains son fusil qu'il était sans doute en train d'astiquer, comme chaque fois qu'il revenait du dehors par mauvais temps. Persuadé que je rêvais à des choses pénibles, il me secoua de toute sa force. « Réveille-toi, Marguerite !»« Oh, je ne suis que trop réveillée !» répondis-je. Mes dents claquaient et tout mon corps ruisselait d'une sueur froide, comme si vraiment je fusse sortie d'un bain. Mon père, très ému, me demanda « Alors, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle !» Je le regardais avec des yeux suppliants en silence. Il adoucit aussitôt sa voix, me caressa, m'encouragea. « N'aie pas peur. Ta mère m'a déjà conté que tu avais eu de drôles d'idées dans la tête ce soir. Dis-moi ce que c'est. Je ne te gronderai pas. » Je lui jetai mes bras autour du cou et me mis à sangloter contre sa poitrine. « La mère ! » m'écriai-je. « Toute la mère était là, dans mon lit, et il y avait dedans le corps d'un noyé qui flottait. »« Et comment était-il, ce noyé ?»« Je ne sais pas, je ne l'ai vu que par en dessous, et je n'ai remarqué qu'une chose, c'est qu'il portait un caleçon rouge comme ceux de l'oncle Jean. »« Eh bien, petite, c'est signe que l'oncle Jean est en bonne santé. N'as-tu pas entendu dire qu'on rêvait toujours le contraire de la vérité ?»« Ce n'était pas un rêve, » murmurai-je. Il ne fit pas semblant de comprendre. « Donne-moi une de tes mains et rendors-toi. Je reste à ton côté. Comme cela, tu te sentiras en sûreté, n'est-ce pas ?»« Oui, mon père. » Comme je ne bougeais plus, au bout d'un quart d'heure, il me laissa, me croyant endormi pour de bon cette fois, et alla rejoindre ma mère. J'entendis celle-ci qui lui demandait à voix basse. « Qu'en penses-tu, Yvon ?»« Je pense que ton frère a péri. » Parce qu'il aimait plus particulièrement cet enfant, il l'a choisi pour se manifester à elle. C'est son intersigne qu'elle vient de voir. « Mon pauvre, pauvre frère, Dieu est son âme !» dit ma mère toute pâle, et je vis ses larmes tomber en pluie sur l'ouvrage qu'elle tenait. 12 jours plus tard, une dépêche arrivait de Nantes, annonçant de la part de la compagnie pour laquelle naviguait mon oncle qu'un transatlantique de Saint-Nazaire avait rencontré dans les mers du Sud une embarcation vide qui avait été reconnue comme appartenant à la Virginie. Du navire lui-même, on ne savait rien. Il avait dû toucher quelques récifs et couler à pic avec son équipage. Conté par Marguerite Gaimer Quimper. Lorsqu'un marin meurt en mer, sa femme entend à la tête de son lit un bruit d'eau tombant goutte à goutte. Sauvé, Mélusine. Mahé, essai sur les antiquités du Morbihan. Rêver d'eau qui coule le long du mur intérieur de la maison est un intersigne de mort. Goodrich Freer. L'intersigne de la tête coupée. Une nuit que Barbaloine de Paimpol était restée affilée jusqu'à une heure très tardive, elle s'endormit de fatigue sur sa tâche. Elle avait bien près de 70 ans, la pauvre vieille. Sa quenouille lui ayant échappé des mains et ayant fait du bruit en tombant sur le rouet, Barba se réveilla en sursaut. Elle ne fut pas peu surprise de voir toute la pièce éclairée d'une lumière blanche. Dans le milieu de la chambre, il y avait une table ronde où Barba avait coutume de déposer à mesure les écheveaux de lin qu'elle avait filés. Or, sur le tas des chevaux, elle vit une tête fraîchement coupée et d'où le sang dégouttait. Dans cette tête, elle reconnut celle de son fils, marin à bord d'un bâtiment de l'État. Les yeux étaient grands ouverts et la regardaient avec une inexprimable angoisse. « Ma bique, ma bique, petiot, petiot !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Que t'est-il arrivé, mon Dieu ?» Sitôt que la vieille eut parlé ainsi, la tête roula sur la table et en fit le tour par 9 fois. Puis elle reparut en haut du tas des chevaux. « Adieu, ma mère !» dit une voix. Barba Louarne se trouva plongée dans l'obscurité. Des voisines la ramassèrent le lendemain évanouie sur le plancher de la chambre. On apprit à quelque temps de là que cette même nuit, à cette même heure, son fils, Yvon Louarn, second maître à bord du redoutable, avait eu la tête détachée du tronc dans une fausse manœuvre. Et comme c'était par gros temps, la tête avait roulé de ci de là sur le pont avant qu'on eût pu la saisir au passage. Comptée par Marie-Jeanne Levet, Paimpol,